suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 20. Lektion 20. Moin Tun, wie geht es? Salut, gut bei dir? Was machst du an deiner Vakanz? Qu'est-ce que tu feras pendant tes vacances? Oh, mir krieg Besuch. Frin aus Portugal. Eh bien, on aura de la visite, des amis du Portugal. Sie bleiben ein ganz Woche hier zu Lützebusch. Ils vont rester une semaine ici au Luxembourg. Sonder den Abend fahren es ab Gwäsischen. Dimanche soir, je vais les chercher à la gare. Am Meinden fahren wir ab Feiernen. Lundi, nous irons à Fianden. Wir gehen Busch gucken, an dem Musée vom Victor Hugo. Nous irons voir le château et le musée Victor Hugo. De nous fommer op Clef. Après, nous irons à Clairvaux. Mais gint d'ausstellung The Family of Men vom Edward Steichen gucken. Nous allons visiter l'exposition The Family of Men d'Edward Steichen. Ich weisen hin noch d'Abtei. Je vais leur montrer aussi l'abbaye. De nous gimmer an de restaurant a fuhren dann heim. Après, nous allons au restaurant et puis nous rentrons. Avec ma dire un dunstig. Et qu'est-ce que vous faites mardi? Un dunsten fuhr op Mondorf. Mardi, nous allons à Mondorf. Wir gehen an de Fitnesscenter. Wir gehen schwammen an der Zaune und machen ein bisschen Bodybuilding. Dann gehen wir bei der Maus Ketti inholen. Nous allons au centre de fitness. Nous allons nager. Nous allons au sauna et un peu de bodybuilding. Faut dire op Moselle. Est-ce que vous allez aussi à la Moselle? Ah jo, am Mittwoch. Oui, mercredi. Wir fängten zu Rémisch un auf vor Landmusel. Oves gimmer obiesch danach. Nous commençons à Rémisch et nous allons passer la Moselle. Le soir, nous allons à Echternach. Ist das nicht anstrengend? Est-ce que ce n'est pas fatigant? Doch, dafür machen wir einen Donnerstag Pause. Oui, c'est pourquoi nous allons faire une pause le jeudi. Wir bleiben daheim und rasten. Nous restons à la maison et nous allons nous reposer. Oves kachen ich eine Lützebäuer Spezialität. Le soir, je vais cuisiner une spécialité luxembourgeoise. Anne Freitag? Et vendredi? A Freiden weisen ich ihnen Trier. Vendredi, je vais leur montrer Trève. Wir bleiben den ganzen Tag und gehen einkaufen. Nous allons rester là toute la journée et nous allons faire des achats. A Samstag de Muren gehen wir an die Stadt und noch mit uns vor mein Freund rem heim à Portugal. Samedi matin, nous allons en ville et l'après-midi, mes amis vont retourner au Portugal. Peut-être vous avez l'impression que ce dialogue est juste une variation des énumérations des activités de samedi de Thun, mais en fait, vous venez d'apprendre l'usage du futur en luxembourgeois. C'est-à-dire, les luxembourgeois utilisent tout simplement l'indicatif présent, tandis que le futur est exprimé par un adverbe « sondern »,« de nos »,« oves »,« dann », etc. Nous avons des expressions. Surtout des menaces. Dem werde ich weisen. Celui-là, je vais lui montrer. Ou bien, dat werde man auch gesehen. Cela, on verra bien. Et parfois, pour exprimer un doute sur un événement futur, et werde ich nicht reden. Espérant que ça ne va pas pleuvoir.